Papa et la planche à roulettes. Les enfants font de la planche à roulettes. Je vais faire un tour, dit papa. Je suis très bon. D'accord, disent les enfants, mais reste dans la cour. Papa monte sur la planche. Il descend dans l'entrée. Il remonte et redescend dans l'entrée. Puis, il sort de la cour. Les enfants suivent papa. « Reviens !» crie-t-il. « Tu vas trop vite !»« Ça va !» dit papa. « Je vais descendre la côte. » Les enfants regardent papa. Il va très vite. Il va trop vite. « Oh! Je ne peux pas m'arrêter !» crie papa. « Saute !» crient les enfants. Papa saute en bas de la planche. La planche ne s'arrête pas. Elle descend la côte et tombe à l'eau. Plouf! Papa tombe dans la boue. Papa est couvert de boue. Tu dois aller dans l'eau maintenant, disent les enfants. La planche est là. Papa va chercher la planche. Vas-tu encore l'essayer, disent les enfants? Oui, dit papa, mais je reste dans la cour.